Sylla est un général romain, un homme politique, du 1er siècle avant notre ère. Les calendes, les nones et les ides sont les trois repères du calendrier romain. Les calendes pour le premier du mois, les nones pour le 5 ou le 7, les ides pour le 13 ou le 15. César Auguste fut le premier empereur romain entre 27 avant notre ère et 14 après. Chez les anciens romains, la frugalité, la simplicité dans les repas n'était pas seulement une affaire d'ordre et d'économie domestique, mais une obligation publique maintenue par la sévérité de plusieurs lois. Plus tard, le dictateur Lucius Sylla, voyant que toutes ces lois tombaient en désuétude, que la plupart des Romains dissipaient dans des festins d'immenses patrimoines et que des fortunes entières étaient absorbées par le luxe, porta devant le peuple une loi d'après laquelle, aux calendes, aux nones, aux ides, pendant les jeux et les fêtes solennelles, on ne devait dispenser que 30 sesterces. La dépense des autres jours ne devait pas excéder 3 sesterces. Enfin, la loi Julia, portée sous le règne de César Auguste, fixait à 200 sesterces la dépense des jours ordinaires, à 300 celle des calendes, des ides, des nones et des autres jours fériés, à 1000 celle des noces et du lendemain.